Yeah. Oh baby, tu sais que je suis à toi. Hey, gueule d'ange, t'es le genre de meuf pour qui le rêve change et cesse de faire du bise. Tu connais mes jazz, mais tu me dis reste le même nubi. Tu sais comment me faire kiffer, me faire vibrer, te certifier. Chaud au lit, trop poli pour un gars de mon espèce. T'es le genre de meuf qu'on respecte. Pas de fils dans ton attitude, t'es un coin de fraîcheur au cœur de la canicule. Hey, gueule d'amour, oublie mes erreurs de parcours. Ça, c'est une preuve d'amour, même si je la ramène quand c'est pas la peine. Sois ma reine, tu sais que ton scar la t'aime. Faut que tu me pardonnes, mais mal donne. Essaie de voir comme si la vie est hardcore. Jette les tous, je te remets au miss. J'aime tes courbes, ton corps de rêve. Et ceux qui l'ont vu sont morts de peine. Mais moi je suis l'homme que t'aimes, tu vois. Et l'amour n'a la force de naître qu'une fois. T'es une balle calibre 12, bombe atomique. C'est quoi ton nom? Aphrodite? Mon fruit de la passion. Ici on n'est que des esclaves qui ont fui la nation. Dans tes yeux, souillé par une larme, il pleut au paradis. Miss Caraïbes, t'es l'objet de mes fantasmes. Et j'endors pas la nuit, t'es ma motivation dans mes pages. Mon bébé quand tu pleures dans mes bras. Je veux pas que tu souffres même quand j'ai mal. Ou quand je dis des choses que je pensais pas. Oublie nos problèmes financiers. C'est pour le pire qu'on a fait nos promesses de se fiancer. Tu sais ce que j'en pense, fondons une famille sans avoir d'os pour faire semblant. On a trop de force ma belle, une vie trop courte et trop de choses à faire mon ange. Passons une soirée bougie et sexe pour oublier le reste. On danse. Je le sens, ces liens sont plus forts que le sang. On le supporte le temps, la guerre et la maladie. L'enfer et le paradis, c'est à coup sûr de l'amour pur. Pas de coup de pute et reste croche en cas de coup dur. Une vraie femme sait faire face, l'espace et les maquerelles et les mespaces. Tu sais que pour eux je suis qu'un tolard. Embrasse bien Yona, dis-lui que je serai bientôt là. Je t'aime et c'est ainsi.